Le président angolais José Eduardo dos Santos a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a félicité le maréchal coréen élu président du Parti Travail de Corée et souhaité son bonheur et de grands succès dans son noble travail pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la Corée. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement angolais de renforcer toujours les liens d'amitié et de coopération historique entre l'Angola et la République populaire démocratique de Corée.